tais-toi petite folle, tais-toi petite folle, il n'est plus temps maintenant de pleurer. Te voilà bien puni depuis qu'il a choisi une autre fille qui saura mieux l'aimer. Mais moi je... Allons sauver la face, montre-toi au moins meilleure que tu n'es. Mais je l'aime.